Activité 4, page 11. Pour épeler. Écoutez l'enregistrement. Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Matuszewski Natacha. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Matuszewski Natacha. Votre nom, comment ça s'écrit? Matuszewski. M-A-T-U-Z-E-W-S-K-I. Ah oui, merci.